L'artiste, pendant les premiers mois, aima sa femme. Hortense et Venceslas se livrèrent aux adorables enfantillages de la passion légitime, heureuse, insensée. Hortense fut alors la première à dispenser Venceslas de tout travail, orgueilleuse de triompher ainsi de sa rivale, la sculpture. Les caresses d'une femme, d'ailleurs, font évanouir la muse et fléchir la féroce, la brutale fermeté du travailleur. 6 à 7 mois passèrent, les doigts du sculpteur désapprirent à tenir les bouchoirs. Quand la nécessité de travailler se fit sentir, quand le prince de Wissembourg, président du comité de souscription, voulut voir la statue, Venceslas prononça le mot suprême des flâneurs « Je vais m'y mettre !» Et il berça sa chère Hortense de fallacieuses paroles, des magnifiques plans de l'artiste fumeur. Hortense redoubla d'amour pour son poète, elle entrevoyait une sublime statue du maréchal Montcornet. Montcornet devait être l'idéalisation de l'intrépidité, le type de la cavalerie, le courage à la Murat. Ah bah ! L'on devait, à l'aspect de cette statue, concevoir toutes les victoires de l'empereur. Et quelle exécution ! Le crayon était bien complaisant, il suivait la parole. En fait de statue, il vint un petit Venceslas ravissant.